fugace qui passe sous la pluie. Quand la lune déplace ses nuages bleus de nuit, quelqu'un me regarde par le carreau mouillé. Quelqu'un qui retarde des instants oubliés. Je sais que c'était toi, je me souviens encore. Je sais que c'était toi, ou l'ombre de ton corps. Quelqu'un que je regarde, enfant émerveillé. Quelqu'un que je retarde, les yeux ensoleillés. Il y avait du vent, il ne faisait pas froid. Je te revois souvent par le carreau étroit. C'est que c'était toi, je me souviens encore. Je sais que c'était toi, ou l'ombre de ton corps. Nuits noires et venteuses, l'automne me faisait peur. Les histoires menteuses, je les laisse au compteur. Il pleut de la lumière, le soleil devient bleu. Pas besoin de prière, le ciel fait ce qu'il peut. C'est que c'était toi, je me souviens encore. Je sais que c'était toi, et je me sens plus fort.